Un mal, chapitre 14. Ce soir de kermesse fut une crise sérieuse dans la vie de Germaine. Elle en garda une anxiété vague. Le baiser de Cachapré avait labouré sa chair déjà faible. Comme le soc mord la glèbe, elle l'avait senti pénétrer en elle, terrible et bon. Et le lendemain fut un jour de rêverie troublante. Des paresses la prenaient au milieu des occupations de la ferme. Elle demeurait comme assoupie sous le souvenir engourdissant de ce qui s'était passé. Ses mains maniaient les choses distraitement. À midi, les chevaux ramenèrent des champs une pleine charretée de trèfles, les verdures bombées par-dessus les ridelles comme un gros ventre de bête, et des coquelicots les étoilaient de clarté rouge, éclatantes sur ce vert sombre. Les chevaux dételés, on laissa la charrette sous l'auvent de la porte à l'entrée de la cour. L'ombre maintenait la fraîcheur en cet endroit, quand, partout ailleurs, le soleil ardait. Les trèfles, épanouis sur la lumière haute du dehors, eurent alors, avec leur épaisseur moelleuse, l'air d'un lit préparé pour le sommeil. Les écuelles avaient été posées sur la table de la cuisine, à côté des fourchettes et des cuillers en fer. Une odeur de soupe à la graisse de porc traînait dans la maison. C'était l'heure du repas. Il se fit sur les dalles bleues un bruit de semelles et de sabots qui se dirigea vers la grande table creusée par les écurements. Les domestiques et les filles rentraient des champs. L'un à côté de l'autre, ils se placèrent sur les escabeaux en bois disposés le long de la table et se mirent à manger. Un large appétit donnait de l'activité aux fourchettes qui cliquetaient incessamment contre le fond des assiettes. Des lampées gloussaient dans les gosiers, tandis que les têtes se renversaient, les yeux demi-clos, avec béatitude. Le cuir des peaux, gercé par des roséoles aux pommettes, luisait, ayant gardé le feu du soleil. Des poitrines d'hommes velues et nues sous la chemise entr'ouverte s'évaporaient une sueur fauve, et l'on voyait sous les chaises les jambes rouges des femmes pareilles à de la viande fraîchement tuée. Le reflet glauque des arbres entrait par les fenêtres ouvertes, s'allongeait sur les murs blanchis à la chaux, verdissait sur les nuques. Et tout ce monde faisait entendre un grand bruit de mâchoires, se détendant dans une repue diligente. Puis le broiement parut languir. Une somnolence engourdit la tablée. Et les mangeurs, l'un après l'autre, gagnèrent à pas lourds l'ombre des haies et des greniers pour y mit de rôner. Germaine était une rude travailleuse. Ordinairement, le repas achevé, elle aidait une des filles à laver la vaisselle, et les assiettes rentraient au bahut, luisantes et blanches, bien avant le réveil des domestiques. Mais ce jour-là, prise d'une torpeur, elle bâilla, étendit les bras, songea à la douceur de ses tendres, comme les autres. Justement, la charrette des trèfles arrondissait sous le porche sa large litière. Elle posa le pied sur la roue et, d'un bond s'enlevant, alla rouler dans les verdures au milieu desquelles son corps s'enfonça. Un silence s'était appesanti sur la ferme. La vie sembla avoir expiré dans la cour et dans les corridors. Les toits, chauffés par le soleil, projetaient une réverbération dans l'air. Des pailles amoncelées dans les greniers sortaient une chaleur sèche comme une haleine de four. La fraîcheur d'une botte de fourrage jetée contre le seuil de l'étable s'enfumait en buée grise. Germaine ferma les yeux, essaya de dormir. Couchée à plat sur le dos, elle éprouvait une volupté à sentir sur sa chair le froid des trèfles. Ses mains tapotaient leur rondeur grasse. Elle avait défait son corsage, et une petite brise soufflait sur sa peau avec des chatouilles. Cela lui rappelait, le frôlement de mains de cachaprée, quand, furtivement, il l'avait glissée pour rire, le doigt entre son poignet et sa manchette. Et elle repensa à ce baiser brutal qu'il lui avait imprimé sur les lèvres. Elle était bête, après tout, de tant faire de manières. Est-ce que les femmes qu'elle connaissait n'avaient pas eu des liaisons? Elle n'était plus d'âge à demeurer fille, du reste. Et puisque les épouseurs ne se présentaient pas, elle prendrait un amant, autant celui-là qu'un autre. Il y eut alors une lutte au fond de cette conscience déjà faible. C'était mal de se laisser aller à de semblables idées. Elle aurait dû les étouffer dès le premier moment. Qui était ce cachaperet? Un vagabond, quelqu'un qu'on n'avouait pas. Et un regret vague que ce ne fût pas un autre s'empara d'elle. Un fils de fermier, par exemple, même un garde. Elle l'aurait aimé à son aise. Puis, le mariage s'en serait suivi, honnête. Le mariage, elle s'en moquait pas mal. Elle ne voulait épouser qu'un homme de son choix, un être fort, comme lui, par exemple. Elle avait la haine de ce qui n'était pas robuste, vaillant, hardi, bien planté sur ses pieds. Robuste, elle l'était elle-même. Et elle repensait à ce neveu de Isard, à ce commis de bureau qui n'avait pas même eu la force de la faire danser au bal. Tandis que lui... Elle fut ramenée alors à se rappeler cette poussée en avant à travers les danses immobilisées. Elle le revit, l'enlevant dans ses bras comme une plume, bousculant toute une salle. C'était un homme, celui-là. Et elle entendait sa voix lui demandant sourdement « Faut-il que je les abatte tous ?» Et elle aurait dû répondre « Oui, c'eût été drôle. » Et cet homme l'aimait. Un homme n'est pas aussi enragé après une fille quand il n'aime pas. Il avait des mots tendres que les amoureux trouvent seuls. Et elle se répétait à elle-même, en souriant, ce qu'elle avait retenu. Au fait, pourquoi ne l'aurait-il pas aimé? Il aimait à sa manière, avec violence et douceur. C'était un peu comme cela qu'elle-même comprenait l'amour. Les bêtes, ça n'aime pas autrement. Puis, il y avait peut-être moyen de l'avoir pour galant, sans qu'on n'y vît rien. Il fallait des précautions seulement. Elle n'en serait pas plus damnée parce qu'elle se serait un peu amusée, étant fille. Plus tard, il ne serait plus temps. L'âge vient, on ne peut plus aimer, on n'en a plus le goût. Ou bien on se marie et on n'a pas eu le plaisir des aventures. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas dans le sang, l'amour ? La stupeur qui pesait sur les choses aidait à cet engourdissement de sa conscience, un accablement tombé du ciel bleu, poudroyant de soleil, des mouches bourdonnées, faisant à sa pensée un accompagnement assoupissant, et de l'ombre, elle entendait monter un grand souffle doux qui était le ronflement des vaches dans l'étable et le broutement régulier, continu, des chevaux à l'écurie. Elle distinguait dans les pailles sous les hangars les vautrements de formes immobiles qui étaient des dormeurs. Un ronflement sortait de leurs bouches béantes, se mêlait à la respiration lente des bœufs. Des colombes roucoulaient sur le rebord du pigeonnier, et les coqs jetaient des hoquets retentissants qui avaient l'air de rythmer toute cette rumeur silencieuse. Au milieu de la cour gisaient des fumiers. C'était un bloc carré, brun, avec des épaisseurs de pourriture. Un tassement de matière en décomposition le bombait en rondeur qui, par places, s'effondrait. On voyait dessous, dans un jus noir, fétide, croupir l'amas des détritus anciens. Puis s'amoncelaient les litières plus récentes, et par-dessus celles-là, des pailles fraîches, égouttées de leur suin, s'étalaient, rutilantes, avec des flambes d'or neuf. Cette vaste putréfaction s'épanouissait, vivante, heureuse. d'une fermentation extraordinaire, bouillonnait dans ses profondeurs une animalité larveuse. Des embryons par myriades éclosaient, et un bruissement inexprimable annonçait la circulation de la vie sous les apparences de la mort. Comme le jardin et les champs, le fumier avait son heure d'amour. Le soleil mettait son ébullition sur ce fourmillement. La masse des fumiers, grasse, fumante, laissait aller comme une sueur, et des vapeurs chaudes par bouffées constantes émanaient. En même temps, les odeurs s'exaspéraient, dégageant une pestilence forte qui sentait le marécage et l'étable. Les bouses de vaches volatilisaient des traînées de musc, des ferments secs signalaient les déjections chevalines et une puanteur âcre, les pissées de porc. Cela formait un large courant de senteurs irritantes et lourdes qui grisaient Germaine. Un mal profond la fit défaillir. Elle pensa moins à lui qu'à l'amour, à la connaissance de l'homme, à l'assouvissement de la nature. La femme, c'est fait pour aimer, pour enfanter, pour nourrir des petits. Toute cette joie lui avait été refusée. Elle s'était enfermée dans un dédain. Aucun homme n'avait trouvé grâce à ses yeux. À présent, elle portait la peine de cette dureté de cœur. Et se sentant seule, dans cette gaieté de la campagne amoureuse, elle eut une douleur sombre, sans larmes.